Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez cestfou.ca. On prend une pause parce qu'on doit entendre les meilleurs moments, il y en a tellement, à l'assemblage requis. C'est un instant classique. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 1er novembre 2010. Apparemment que la règle, c'était qu'on se rase le 31 puis là, ça pousse pendant un mois. Moi, j'ai juste fait une moustache le 1er novembre. Ça a l'air d'être ça. Félicitations. Merci. Bravo, bravo, petit abdando. Vous avez gagné une moustache. Hey, oh. Attends une minute, toi, là. Wow. La tienne. Oh! Il est 8h20. Ouais, François-Olivier, pas de moustache. Mathieu Plante, une moustache. Oui. Il y a eu un petit problème de compréhension de sa part. Merci. Écoute, faut l'excuser. C'est une Mathieu Plante, c'est une belle petite bête attachante. Tu pourrais pas dire mieux que ça. Non, c'est ça. Non, j'ai pas d'autres qualificatifs. Non, j'ai pas de... T'essayes vraiment, mais t'es pas capable. Hey, écoute, il y a rien que... T'es propre. Merci. T'es propre. Une belle petite bête propre. Est-ce que t'as vu sa moustache? Ouais, mais c'est un concours, non? Non, pas un concours. C'est une bonne cause. Oui. Ouais. Cancer de la prostate. Bon, tout ben, c'est ça. Oui. On est rendu au mois de novembre? Oui, tout à fait. Bon, enfin, c'est Mathieu qui est correct, c'est toi qui n'est pas correct. Mais c'est ce que j'ai dit le matin, mais il me disait le contraire. Mais non, Grim, non, vous comprenez pas, vous comprenez rien. OK, on répète le concept. Ça pousse tout le mois de novembre. Tu sais, au mois d'octobre, en fait, tu peux te la raser le 31. Chuchoter un peu. C'était pas dans la chanson. Non, mais ça aurait pu. Je pensais pas que t'avais ouvert les micros. Non, je sais, je te l'ai pas dit non plus. Hein, je suis le même, je suis taquin comme ça. Je guilli. Moustache. Ah ben oui, ma moustache se chatouille de partout. Et puis passez une excellente journée. Salut François Olivier. Salut Mathieu Plante. Ben les requins. Ben oui, vous êtes pas les requins, gars. Ça, je vous touche comme ça. Attends, ben je vous touche pas trop, là, parce que je voudrais pas avoir de poursuite, là. Mais il faut que vous soyez amis avec François-Olivier pour que ça arrive, là, parce qu'il est très sélectif dans les gens qu'il va appeler. Temps, écoute, on rouvre pas le bottin pour appeler les gens ne comprendront pas. Là. Bonjour, on vous appelle l'assemblage requis. Hein? Ah, c'est quoi? C'est un magasin qui vend du de bois? Qui, toi? Non. Rien non. Au dépôt ou quoi? Main dans la main avec la moustache. Ouais. Dans la face. Dans la face, c'est ça. Main dans la face pour la cause. Parce que la prostate... Bref, alors, on va complètement mettre ça de côté. C'est mauvais jeu de mots sur la prostate et la main. Vous êtes à l'assemblage requis. Donc aujourd'hui, on a un plan chargé comme tous les jeudis. Hein, deux chroniqueurs... Comment? Hein? Ah, tu m'as surpris. Qu'on avait un plan chargé? Quoi? Parce qu'on dit jamais ça. Hein? C'est pas du tout redondant. Ben non. Bon. Donc on a François Landry, pas Maxime Landry. On aurait aimé ça parce qu'il a gagné à la digue de la disque. Donc on sait qu'il est bon, là, ça c'est sûr. Mais on a... c'est une étoile montante. La. Quand tu fais la la comme ça, Mathieu, oui. Ça me fait penser à la la la la long. Toi, il y a pas quelqu'un que. Non, et puis en même temps, hier, écoute, j'y ai pensé hier, on a reçu Kiwana. On n'a pas eu de temps. Non, c'est vrai. Puis on peut pas l'appeler, nous. C'est lui qu'il faut qu'il nous appelle. Il a un téléphone spécial. C'est comme Batman, il a un téléphone rouge. Ouais. Ça marche pas en tout parce que Batman, c'est lui qui reçoit des téléphones. Attends un peu. Kiwana, non. Ouais. Tout ça, parce qu'on a fait jouer aussi en début de cette semaine, ouais, là, je me rappelle pièce, pas mardi. Art is hard. Et tabarouette, une mémoire phénoménale, mon ami. T'es un éléphant. Et tout ça sort de l'album The Ugly Organ. Et la pièce, c'était de Rick Lewis. Là, on parle d'un éléphant puis d'un organe affreux. J'aime pas vraiment tant ça, cette. Cursive, c'est l'éléphant? Non, mais mémoire d'éléphant. Ah, hein. Puis The Ugly Organ, tu vois le jeu de mots, c'était douteux. Là, c'était, ouais. On a commencé à se faire pousser la moustache, toute la gang, dont François, ça pousse pas vite, mais quand même. Écoute, hein, à chacun son rythme, et mon corps, ça n'est pas le tien. Donc. C'est ça, ça dépend des jours. Donc, ça dépend des jours, t'avais-tu entendu? Là? Non, moi, j'étais en train de chanter la petite chanson que moi, je connaissais pas avant, parce qu'on chantait pas ça à mon école primaire, mais mon corps, ça n'est pas le tien, alors laisse-moi, je sais pas quoi. Quonois, non. Ça te dirait? Non. Mais c'est de là que ça venait, ce que François disait. Ah oui, OK. En tout cas, je suis certaine, à moins que ce soit un addon incroyable. Mais il y a des jeunes qui m'ont dit ça, qu'à l'école francophone, il y avait une petite chanson de « Mon corps, c'est mon corps, ce n'est pas le tien ». Non, ça ne dit absolument rien. Mais toi, à l'école anglophone, il n'y a pas de chanson « my body isn't yours ». Non? Non. Non. Bon, nous autres, le corps est le corps à tout le monde. Hein? Ah bon, d'accord. C'est libre service. Ça, c'était les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 1er novembre 2010. Il y avait beaucoup de blagues très, je trouve, très inside là-dedans. Mais bon, c'est pas grave. Vous les comprendrez peut-être une autre fois. Ou sinon, non, c'est quand même pas si pire que ça, je pense. Ça se tenait. Assemblage requis, c'est l'émission matinale en pièces détachées. C'est du lundi au jeudi. Entre 7h et 9h, ici même sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Donc soyez-y avec François-Olivier Marchand et moi-même.